C'est super parce qu'on va arriver à tenir les horaires assez parfaitement, en tout cas au moins pour le début. Merci d'être là. À toutes et à tous, merci d'être là à Clermont-Ferrand. Et puis merci aussi à nos invités à distance, tenus à distance par soit par le virus, soit par le fait que ce n'était pas forcément facile de venir à Clermont pour cette conférence de presse. On est ravis vraiment de vous accueillir dans ces locaux. Les locaux de l'association Langue Porteuse, dont je vais vous parler dans un instant assez rapidement, avant de parler évidemment de ce qui nous réunit, la création, le lancement d'une nouvelle radio associative dont on est très fiers, dont on va porter haut les couleurs à partir d'après-demain. Si vous vous demandez si on est prêt, je vous dirais non. Mais en tout cas, on y travaille activement. Le lancement est prévu pour vendredi soir. Donc on est à 48 heures d'un événement assez important, on est un peu fébrile. On est fébrile pas uniquement par rapport à cette conférence de presse, on est aussi fébrile par rapport à ce qui nous attend à partir de vendredi. Pour celles et ceux qui connaissent les rythmes du journalisme quotidien, de la radio, du flux radio, évidemment ça impressionne. On a cette sensation de commencer une aventure, même si cette radio n'existe pas encore, mais elle a déjà une histoire et on va vous en parler un peu. Langue Porteuse, c'est une association qui a été créée en 2015, elle a 5 ans maintenant, et elle se proposait dès le début de faire de la formation professionnelle, de l'insertion aussi professionnelle, on va détailler ça avec Charlotte dans un instant, et elle fait aussi beaucoup d'éducation aux médias, ça c'est quelque chose qui pour nous est important, et retenez bien ça parce que c'est une des clés de compréhension pour bien comprendre ce qu'est ou ce que sera le chantier. Cette association, donc, il y a maintenant 2 ans, a répondu à un appel à projet, un appel à fréquence qu'avait lancé le CSA sur la zone de Clermont. Et donc, on a obtenu l'autorisation d'exploiter la fréquence 98 FM. Et donc, à partir de vendredi soir 19h, on va diffuser nos programmes sur cette fréquence. On a déjà une radio de flux qui existe depuis 2 ans maintenant, qui est uniquement musicale et qui va être finalement... Le support musical sur lequel on va rajouter nos émissions à partir de vendredi. C'est une radio qu'on peut déjà écouter sur lechantier.radio, sur notre site, dont on parlera aussi un peu tout à l'heure, parce qu'il est vraiment très, très joli et très fonctionnel, lechantier.radio, donc qui sera aussi, du coup, l'endroit où on pourra écouter l'ensemble de nos programmes et l'ensemble de nos podcasts, puisqu'on va essayer de faire les choses bien. C'est un peu comme ça que fonctionne Langue Porteuse depuis le début. On essaye de faire les choses bien. On n'y arrive peut-être pas toujours, mais en tout cas, on y travaille aussi. Et donc, on aura effectivement des émissions de flux, des émissions qui seront réécoutables sur notre site internet, et puis des émissions en podcast, dont certaines existent d'ailleurs déjà. C'est le cas de Terrain Social, dont Hugues vous parlera tout à l'heure. C'est le cas aussi de Du Biscuit, qui sera... diffusé à l'antenne alors que cette émission a déjà été diffusée en podcast, une émission sur l'éducation aux médias. Alors on a déjà un certain nombre de programmes qui avaient été mis en place en podcast, mais la création de ce flux est pour nous extrêmement importante parce que quand on disait à nos partenaires, aux gens qu'on rencontrait sur le terrain, qu'on rencontre toujours, quand on nous demandait « mais alors vous faites de l'insertion par la radio, vous faites de l'éducation aux médias par la radio, c'est très bien, mais où est-ce qu'on peut entendre ce que vous faites ?» On répondait toujours « bah alors... » Au début, on répondait, on peut entendre un peu sur Internet. C'était déjà une première réponse, mais ce n'était pas très satisfaisant. On voyait bien dans le regard de nos correspondants que ce n'était pas vraiment compréhensible. Ensuite est venue la possibilité de faire du podcast, il y a déjà un an. Là, on a compris que déjà, ça s'éclairait un peu. C'était plus simple de faire comprendre tout ce qu'on faisait. Et puis maintenant, donc, on va avoir la possibilité... à Clermont-Ferrand de dire en fait ce qu'on fait, le travail, tout ce travail qu'on fait au service de l'insertion professionnelle et de l'éducation aux médias, ça sera tout simplement rendu sur l'antenne et donc sur cette fréquence 98 FM. On est très, très heureux de ça. Voilà pour ce qui est de Langue Porteuse très rapidement, qui est donc l'association qui va gérer cette radio. C'est l'association Langue Porteuse qui a donc demander cette exploitation de fréquence et qui va opérer donc la radio Le Chantier à partir de vendredi. Mais je vais laisser la parole à Charlotte, qui est directrice de l'association, pour parler du fonctionnement de notre atelier chantier d'insertion, qui est à la base de ce fonctionnement. L'atelier chantier d'insertion, c'est une structure qui est bien normée et qui répond à un certain nombre de critères dont on va parler maintenant. Pardon, je me suis pas présenté. Moi, je m'appelle Benoît Bouscarel et je suis le président de l'association Langue Porteuse. Je suis aussi journaliste à France Culture. Je salue Laurence, d'ailleurs, qui est avec nous depuis les bureaux de la maison de la radio. Et je me suis mis en congé sans solde pendant un an pour aider au développement de ce projet sur lequel je travaille depuis 5 ans avec Charlotte, puisqu'on est tous les deux les fondateurs de Langue Porteuse. Je vais vous présenter rapidement aussi l'ensemble des participants. Teddy, qui est une des voix que vous entendrez sur le 98FM, une des voix nouvelles. On parlera de ce claim, ce slogan, les voix nouvelles aussi dans un instant. On est joué sur la polysémie du mot voix. On n'est pas les premiers à le faire, pardon, mais pour nous, les voix nouvelles, c'est quelque chose qui est important dans le sens où on va entendre effectivement, et vous allez entendre des voix nouvelles aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir poser plein de questions à l'ensemble des participants de cette conférence de presse. Et puis, les voix nouvelles, c'est aussi une façon, si on écrit V-O-I-E-S, de chercher peut-être des pistes nouvelles pour changer le monde, je ne sais pas, en tout cas pour essayer de comprendre des mécanismes, notamment médiatiques, un peu différemment. On a Talat, qui est ici aussi. Bonjour Talat. Bonjour. On a Darcia. Bonjour Darcia. Bonjour. Christophe, vous pourrez poser toutes les questions évidemment à chacun d'entre eux et d'entre elles. Hugues. Bonjour. Bonjour. Pascal. Bonjour. Valérie. Bonjour. Et Tiffaine. Bonjour. Et Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Donc le chantier d'insertion, c'est une grande aventure qu'on a commencé en 2017 avec un effectif un peu différent, avec un fonctionnement un peu différent. En tout cas, on s'est mis complètement dans l'insertion par la radio. C'était quelque chose d'assez inédit. Donc on a aussi dû construire des manières de faire, des manières d'imaginer la radio et de faire de la radio pour que ça soit à la fois un lieu d'apprentissage en termes de savoir-faire et aussi un lieu comme un sas pour ensuite pouvoir avoir des savoirs transférables à tout autre métier. Depuis 2017, on a accompagné une cinquantaine de salariés au sein de notre structure. En 2019, je vais vous donner quelques chiffres. En 2019, on a eu 17 salariés au sein du chantier. Et cette année, 2020, et cette année, donc, on a eu 11 salariés qui sont à nos côtés. Le fait d'être salarié, c'est pas rien. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est sorti d'une situation difficile, d'une situation dans laquelle on était un peu exclu. Et en fait, c'est tout l'enjeu du chantier, c'est d'être une radio inclusive. Et le fait d'être salarié, ça change tout. Ils vous le diront ou pas, mais en tout cas, ça change beaucoup de choses pour nous. Et aussi d'avoir donc une rédaction qui change, avec d'autres points de vue, avec des gens qui viennent de milieux très différents. Au niveau des âges, par exemple sur chantier, on a des gens de tous les âges, entre 24 et 58 ans. Alors là, je parle du chantier depuis son histoire, hein, vraiment depuis le début. On a œuvré depuis 2017 à lever des freins à l'emploi. Ces freins-là, ils peuvent être multiples. Alors là, on va en avoir un gros, c'est la crise sanitaire et sociale qu'on est en train de vivre. Donc on va voir encore plus l'utilité des chantiers d'insertion, que ça soit pour nous, pour la radio, mais comme pour d'autres partout en France qui existent depuis quand même une quarantaine d'années, hein, ces dispositifs-là, et qui travaillent sur à la fois les espaces verts, vraiment des supports très très différents. Au niveau de ce chantier-là, on est sur du travail qui demande une autre approche, qui permet aussi à des salariés qui n'ont pas la possibilité, ou des personnes en insertion qui n'ont pas la possibilité d'accéder à d'autres supports. C'est-à-dire que faire un travail de bureau, c'est assez rare. Et malgré tout, le journalisme, ça reste un travail de bureau, même si on va sur le terrain. mais on n'est pas toute la journée avec une débroussailleuse ou en cuisine ou sur plein de choses. Depuis ces quelques années, on a des personnes qui sont reparties donc évidemment sur l'emploi. En 2019, on a eu un taux de retour à l'emploi de 30%, ce qui est très bien, ce qui est dans une bonne moyenne. On a aussi certains partis pris sur l'insertion, c'est-à-dire qu'on travaille des projets professionnels qui sont vraiment en lien avec les aspirations. Certes, il y a le milieu de l'emploi, mais ici c'est un SAS, donc on préfère garder du temps, prendre le temps de construire des parcours de formation et ensuite imaginer plusieurs pistes plutôt que d'être sur des emplois rapides, parce qu'on sait qu'après, les personnes peuvent être retournées sur un parcours d'insertion. On est sur quelque chose de durable, en fait, et qui laisse aussi le libre arbitre en termes de choix. On n'est pas là pour pousser vers des emplois, mais évidemment construire avec. C'est tout le principe du chantier d'insertion. On a quelques exemples de gens qui, très concrètement, à quoi ça sert le chantier d'insertion. Des gens qui sont devenus agents de sécurité, qui travaillent dans des hôtels, l'hôtel Mercure par exemple à Clermont-Ferrand. Voilà, des gens qui n'étaient pas du tout dans ces domaines-là, mais qui ont appris, qui se sont formés en parallèle, toujours en étant salariés, et qui depuis, donc maintenant, sont de retour à l'emploi, qui se sont formés aussi. Voilà, donc le support radio permet beaucoup de choses, permet une meilleure expression, permet d'être d'égal à égal aussi avec des futurs employeurs, permet d'acquérir tout ce que la prise de parole a de bon, et ça permet voilà, de s'ouvrir et aussi d'être finalement, c'est une forme d'éducation média, on le vit comme ça et on l'essaie comme ça. Merci beaucoup. Je crois que ce qui peut être dit, c'est qu'effectivement, quand on intègre le chantier d'insertion qui existe donc depuis 2017, c'est en ça qu'effectivement, on vous explique depuis tout à l'heure que cette radio a déjà une histoire. Quand on intègre ce chantier d'insertion, c'est pas pour devenir journaliste ou animateur radio ou technicien radio. C'est pas du tout l'enjeu. Ça, c'est bien répété à chaque procédure de recrutement. L'idée, c'est de passer du temps, d'utiliser le SAS dont vient de parler Charlotte pour reprendre pied, pour se poser un peu, prendre le temps de réfléchir effectivement au bon projet professionnel et puis travailler ce projet pro, trouver des financements pour passer son permis. On a un accompagnement qui est fait au niveau de l'insertion par un professionnel de la question qui vient tous les lundis et qui est là vraiment spécifiquement pour que nos salariés puissent travailler leur projet pro. La radio, c'est finalement quelque chose qui va être, c'est ce qu'on appelle le support de notre atelier chantier d'insertion, et c'est quelque chose qui va être pas du tout un prétexte, mais qui va être un outil qu'on va utiliser au service du projet professionnel. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est toujours important de bien rappeler. Je pense que avec cette introduction, on a donné le grand cadre en fait, à la fois sur l'association Longue Porteuse et à la fois sur ce fonctionnement. Vous aurez encore une fois la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. On va juste maintenant parler un petit peu de cette radio quand même qui nous réunit là et qui donc à partir de vendredi va lancer ses programmes. C'est une radio qu'on a voulu lier éditorialement à nos préoccupations et à notre identité. Comme on vient de le dire, l'idée c'est d'essayer de trouver des voies nouvelles pour l'emploi. Ça c'en est une, hein. Là pour le coup, on est pile dedans, passer par une radio pour, et donc par du journalisme, par un fonctionnement de rédaction pour trouver de l'emploi, c'est probablement une voie nouvelle qui a été peut-être explorée avant par d'autres avant nous, mais en tout cas c'est une voie qu'on veut utiliser. Et donc notre ligne éditoriale, quand on s'est posé vraiment la question, ça fait 2 ans hein, qu'on travaille spécifiquement sur le lancement de ce flux, on s'est dit qu'on allait parler de social. Je vais passer le micro tout à l'heure à Hugues, qui présente l'émission Terrain Social. Qu'on allait parler aussi de culture. On a une grande préoccupation par rapport à la culture. Alors, il y a 2 ans, évidemment, on ne parlait pas des mêmes problématiques que celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais finalement, ça nous a renforcés dans cette conviction qu'il fallait absolument parler de culture parce que c'est essentiel. et j'emploie ce mot évidemment avec toute la puissance qu'il peut avoir aujourd'hui. Et donc on va beaucoup parler de culture, on a notamment un agenda culturel qui pendant les premiers jours, et on espère que ça durera le moins longtemps possible, mais ça c'est une idée de Hugues, va se transformer en contre-agenda culturel, ou en agenda culturel essentiel. Donc on va parler de culture, et puis on va parler aussi d'un sujet qui nous tient à cœur, et qui est le sujet de l'environnement, ou les sujets de l'environnement. Donc voilà, notre ligne éditoriale se décline autour de ces trois grands thèmes, le social, la culture et l'environnement. Social et environnement étant évidemment très liés de notre point de vue. Je pense que c'est maintenant des notions qui sont suffisamment partagées pour ne pas avoir à développer plus que ça aujourd'hui devant vous, mais effectivement, on ne peut pas imaginer faire du social sans faire de l'environnement, et on ne peut pas envisager de faire l'inverse non plus, de l'environnement sans penser au social. C'est les fameuses problématiques fin du monde, fin du mois, et c'est aussi tout ce qui touche à la théorie du donut qui nous a bien percuté quand elle a commencé à être développée. L'idée de se dire qu'il y a des besoins fondamentaux de l'homme, mais qui doivent aussi prendre en compte les besoins, ou en tout cas les limites des ressources de la planète. Voilà, donc on pouvait pas réfléchir à tout ce qui est social sans réfléchir à tout ce qui est environnement. Et donc Pascal, qui est ici, va s'occuper d'une chronique qui va s'appeler Vert Express, qui sera diffusée tous les matins à 8h08 précisément, et qui va parler d'environnement sous différentes formes, mais il aura l'occasion aussi, Pascal, de vous en parler. Ça, c'est la ligne éditoriale. Après, comment ça se décline? Et bien, tout simplement avec un certain nombre d'émissions, des émissions quotidiennes pour certaines, hebdomadaires pour d'autres. Et finalement, on va faire quelque chose, pour parler un peu de technique radio ou de technique médiatique, qui est assez peu commun. On sait que la radio aujourd'hui, c'est un flux qui est en train de se délinéariser. On parle évidemment beaucoup de podcasts depuis plein d'années, hein. c'est pas quelque chose qui est récent maintenant. Et donc on a tendance à découper des bouts de radio pour les mettre en ligne, et ça c'est ce que font très bien beaucoup d'opérateurs. Et finalement nous on va un peu faire l'inverse, c'est assez rigolo, on va utiliser les podcasts qu'on a déjà produits donc depuis de nombreuses années pour les mettre en ligne, pour les relinéariser. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais c'est quelque chose qui nous semble un peu pertinent, même si c'est un peu contre-intuitif aussi en même temps. Ça nous paraît pertinent parce que le flux, à mon sens, le flux n'est pas mort, le flux radio n'est pas mort. D'ailleurs, on a tous noté que Netflix récemment avait lancé une télévision, en tout cas un flux. C'est vrai, on est tellement tous, quand on va sur une plateforme comme ça de vidéos, on est tous un peu confrontés au même problème. On se dit, tiens, je vais regarder quelque chose, et puis on met 3 heures à choisir parce qu'il y a trop de profusion. Netflix est bien conscient de ça, donc elle a lancé un flux. C'est assez marrant, alors c'est très limité, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et vraiment, de notre point de vue, le flux radio est évidemment intéressant parce que la radio, alors évidemment, on est tous très amoureux de la radio, mais c'est quelque chose qui surprend, qui amène de la découverte en permanence et qui se travaille comme ça au long cours, et ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Charlotte a utilisé un mot-clé tout à l'heure en parlant de durable. De projets professionnels durables et d'insertion durable, et du coup pour nous il y a quelque chose qui résonne avec ce flux radio qu'on lance à partir de vendredi 19h. C'est Francis qui s'occupe de la régie de cette conférence de presse qui appuiera à 19h sur le bouton pour lancer les émissions, et à partir de ce moment là tout va commencer, et l'aventure va, on espère, durer longtemps. On peut peut-être détailler maintenant la grille. Je ne sais pas si, Pascal, peut-être tu peux nous parler de Vert Express, qui sera un des premiers rendez-vous, finalement, de la journée, à 8h08. Elle va s'inclure, cette chronique, dans une matinale qu'on va avoir en diffusion tous les jours, entre 7h et 9h, que j'aurai l'honneur et le plaisir de présenter. Ça me rappellera plein de souvenirs, à partir de lundi, donc, 7h-9h. Et donc, à 8h, il y aura 8h08, précisément, la chronique Vert Express de Pascal. Tu peux peut-être en dire quelques mots. Vert Express, c'est l'environnement d'une manière un peu globale, l'international, le national, le local, et comment amener aux gens des informations qui sont un peu dépouillées, après que je puisse avoir fait des recherches, et qui soient compréhensibles pour le plus grand nombre, et émettre des sujets qui pointent aujourd'hui, diverses et variées. On aura donc à travers des chroniques qui seront donc avec ma voix, merci, et également des interviews d'invités. Voilà. Enfin, en, grosso modo, c'est ça l'idée. Et ensuite, je pense que ce sera une émission qui pourrait être évolutive dans le temps. Ça, nous le verrons. Est-ce que tu peux nous donner des exemples déjà de choses que tu as pu produire là ? Ouh là là. Donc là, par exemple, du 18 janvier, pendant toute la semaine, toutes les matinales sera consacrée par exemple aux États-Unis, avec les plans sur l'environnement, Joe Biden, qu'est-ce qui va se passer, sur les promesses qui ont été faites et sur ce qui va précisément se passer. C'est quoi les États-Unis, ça représente quoi, etc., etc. Donc là, j'ai déjà écrit des chroniques, il y a toute une semaine qui sera dédiée à ça. Ensuite, on envisage aussi par exemple, des thématiques différentes, c'est-à-dire les différentes énergies qu'on peut retrouver, de passer par l'hydrogène, etc., de voir un peu ce qui se fait, sur quoi on peut tendre, etc. Donc il y aura des semaines comme ça qui seront à thème, très particulières, pour expliquer. Et puis d'autres, un petit peu des coups de cœur. Par exemple, là, hier, j'ai rendu une chronique sur l'orgue guyanais, par exemple, sur ce qui s'est passé, sur la décision des. Du tribunal de Cayenne de dire non, non, on va continuer les exploitations des différentes. Sur le projet de la montagne. Ouais, sur la montagne d'or et Espérance aussi, un autre projet. Et on se rend bien compte qu'il y a des intérêts qui ne sont pas forcément faits pour les Amérindiens, les locaux, etc. etc. Donc, différents coups de cœur. Et puis je dois dire qu'à titre personnel, j'ai quand même pu intégrer au départ cette aventure en 2017. Donc, c'est sur ce fameux chantier d'insertion. Qui m'a amené à reprendre surtout une confiance en moi-même, puisqu'on m'a donné à faire plein de choses que je n'avais jamais faites de ma vie. Maintenant, j'ai la chance, avec l'étude de l'emporteuse, ils m'ont proposé de devenir, entre guillemets, chroniqueur. C'est encore une nouvelle expérience. Donc je pense que c'est aussi l'une des forces de ce type de projet, c'est à titre individuel, de se dire, il n'y a pas de souci, on avance et on fait les choses. Et puis c'est un travail qui est remarquable avec toute l'équipe. Tous les matins, là, depuis 15 jours, on se fait des petites confs de rédaction. Et là, on partage. Et là, c'est intéressant aussi de voir les échanges d'idées qu'il y a, sur quoi ça peut amener. Moi, ça me donne des sujets, des angles. De temps en temps, j'en fais profiter l'une ou les autres. J'apprécie à la fois ce travail, à la fois individuel et collectif, qui est mis en place. Voilà. Ça, merci. C'est une super belle voix qui donne envie de vous écouter. Je suis dans les voix qui donne envie d'écouter Pascal. Merci. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore commencé, qu'on prévoit déjà les semaines spéciales. Pascal a tout compris sur la mécanique du flux radio, bravo. Et on a hâte effectivement d'écouter les premières chroniques qui seront aussi diffusées sur le chantier.radio, qui seront mises en ligne en texte sur le site internet du chantier. Pascal, c'est un peu le contre-exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand j'expliquais que le but du jeu, quand on arrive salarié en insertion au chantier, le but du jeu, c'est pas de devenir journaliste ou animateur radio, et ben bam, le but de bien prendre la parole. C'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que Pascal, effectivement, à l'issue du parcours en insertion, on l'a embauché comme permanent de l'association Longue Porteuse. Donc voilà, aujourd'hui, Pascal est permanent et on est ravi de. Et ce qui est bénéfique, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans cette structure-là, on m'a toujours proposé des choses à faire qui étaient complètement différentes les unes des autres. C'est que pendant un an et demi, effectivement, le premier chantier d'insertion, pendant une certaine période, j'ai tenu un projet qui s'appelait Antenne Sensible, où on donnait l'occasion à des habitants de découvrir la radio, de monter des émissions, de faire du son, etc. etc. Dans le, ça m'a beaucoup plu. Et là, encore une autre proposition, maintenant c'est l'environnement. Donc c'est très évolutif. Et il suffit de pouvoir s'adapter aux choses, comme tout un chacun. Voilà. Donc moi, je dis merci à mon porteuse. Vous avez noté, dans les sujets qu'a évoqué Pascal, que l'idée, c'est pas uniquement de rester sur des sujets locaux. Alors, évidemment qu'il y aura des sujets locaux. Évidemment qu'on est une radio associative de proximité. On est très attaché à cette notion de proximité. Et il est très clair qu'on aura chaque jour grande place accordée à l'actualité locale. Néanmoins, on ne veut pas se sentir borné par ça et on ne veut pas se sentir limité dans le choix de nos sujets, tout simplement parce que nos auditeurs, qu'on ne connaît pas encore évidemment, mais dont on espère qu'ils seront très nombreux et on compte sur vous tous et toutes pour faire en sorte que dès le début ils soient un peu avec nous, on se dit que nos auditeurs, eux, s'intéressent évidemment à d'autres choses que ce qui se passe de manière stricte sur le territoire de la métropole clermontoise. C'est aussi quelque chose qui pour nous est important dans la perspective d'un développement. Alors ça, on en parlera peut-être un petit peu après. On va d'abord continuer à détailler la grille, mais déjà c'est une notion qui est importante à prendre en compte. Si on crée un site internet sur lequel on a mis pas mal d'ambition, le chantier.radio, en parallèle du lancement de cette radio associative, c'est aussi parce que on prévoit un développement et on envisage un essaimage. Je pense que Charlotte en parlera un petit peu plus tard, mais effectivement, le fait de travailler vraiment quotidiennement la radio tout en menant des actions d'insertion professionnelle, c'est quelque chose qui fonctionne. 30% de sorties positives en 2019, c'est un résultat qui est bon et qui valide ce qu'on présuppose ou ce qu'on avait comme intuition depuis 2017. Donc l'idée qu'on a depuis un petit moment déjà, c'est de ne pas rester, enfin en tout cas de faire profiter peut-être d'autres personnes, d'autres régions, d'autres agglomérations, peut-être des zones rurales aussi, de cette expérimentation. Pour nous, on est vraiment dans le champ de l'expérimentation sociale et professionnelle. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va continuer à faire avec un processus d'évaluation constant, on va essayer de le faire se développer ailleurs, soit en partenariat avec des structures, dont certaines sont là aussi en ligne avec nous, soit peut-être en imaginant des extensions de langue porteuse ici ou là. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, on reste concentré sur nos objectifs à court terme. Mais voilà, c'est une idée importante. Et on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour continuer sur la grille, donc dans cette matinale, il y aura effectivement la chronique de Pascal. Il y aura aussi l'agenda culturel dont j'ai parlé tout à l'heure, le contre-agenda culturel dans un premier temps. Merci Hugues pour cette idée. Et donc on aura l'occasion d'écouter un certain nombre d'intervenants, d'artistes pour nous raconter la façon dont ils vivent cette période dans un premier temps, et très vite on espère pouvoir redonner le plein sens du mot agenda à cette rubrique. On aura aussi des invités dans cette matinale. Je peux vous donner le nom du premier ou même des premiers. Ça sera Salim Grabsi qui sera le premier invité lundi. Il est un des porte-parole de l'association L'Après-M à Marseille qui a repris, vous avez entendu parler de ça pendant les vacances, repris l'ancien McDonald's qui a fermé dans les quartiers nord de Marseille, dans le 14e arrondissement. Et on a trouvé que ce sujet résonnait tellement avec notre situation à nous qu'on a choisi d'en faire notre premier invité. Donc il sera à 7h50, l'invité de la première matinale lundi prochain. On aura aussi une alternance là de invités strictement locaux pour remplir nos missions auxquelles on est très attaché, de médias de proximité, et des invités qui peuvent venir nous parler de Marseille ou d'autres endroits évidemment. Et puis on aura aussi des sujets internationaux. L'idée c'est pas de se limiter géographiquement dans nos préoccupations éditoriales. Ça c'est quelque chose qui pour nous est assez fondamental. On peut parler quelques mots de musique aussi, parce que ça c'est évidemment très important quand on parle de radio de flux, surtout quand on est une radio associative et qu'on a certes des moyens humains conséquents, mais qu'on ne peut pas faire comme une radio qui possède peut-être 200 journalistes ou 150, et donc on est aussi en lien avec un programmateur musical dont Charlotte doit nous parler peut-être. Oui, notre programmateur, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur cette programmation, puisque le flux est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Laurent Thor, donc, est notre programmateur, et vit dans le Cantal, on fait aussi du très local, on aime bien. Et aussi pas du très local, parce que notre graphiste est à Rome, donc rien à voir. Donc il n'y a pas trop de limites. Au niveau de la programmation, c'est très, très émergent, très rock, très électro. On fait attention aussi à l'expression française, francophone. On fait en sorte, Laurent est vraiment à dénicher quelques pépites et aussi à ne pas perdre les auditeurs, c'est-à-dire avec quelques grands classiques qui restent sur l'antenne. On a cette chance-là d'avoir un flux qui est très cohérent, qui est aussi lié à des humeurs, c'est-à-dire que le matin, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus tranquille, calme, joyeux. Et plus ça va aller, plus on va aller vers la messe de minuit et vers quelque chose de dur. Et à minuit, ça sera la messe de minuit. Voilà, donc on accompagnera jusqu'à l'apéritif, jusqu'à ce moment-là de fin de soirée. On travaille déjà avec beaucoup de labels et c'est important pour nous d'avoir cette programmation musicale-là. Ça fait aussi des mois que Teddy et que Christophe travaillent sur cette programmation avec Laurent. Peut-être Teddy, si tu veux dire un mot de ton travail et de ce que ça veut dire derrière, parce que là aujourd'hui on allume pour l'instant sur le site et c'est nickel en termes de programmation, mais il y a un gros travail qui est fait par les salariés. C'est-à-dire que je mets l'encodage, c'est-à-dire label, album, année. Je m'occupe de placer le Start Next pour savoir à quand la chanson suivante va commencer. Et je place les intros, les outros. Et il y a combien de morceaux à peu près là sur l'antenne? À peu près, je dirais, entre 6000 et 6500. Donc on a voilà une rotation aussi très forte sur l'antenne. Et c'est un parti pris et c'est un vrai choix. Et ça demande aussi un gros travail de fond sur cette radio. Peut-être que Christophe aussi peut dire un mot sur la programmation. Je ne sais pas si tu as un micro, Christophe, sinon je te tiens le mien. On va essayer de faire attention. Oui, sur la programmation. Donc, comme Teddy a dit, effectivement, on s'occupe d'en fait. En fait, il y a un logiciel qui nous permet de faire tourner les morceaux. Et pour faire tourner ces morceaux, il faut les encoder. Donc, c'est là où notre travail est important. C'est-à-dire qu'on va donc mettre les labels, l'artiste et tout ça. Et surtout, en fait, on va positionner donc, les intros et les outros qui servent en fait aux transitions entre les musiques et aux transitions aussi avec l'animation, en fait, tout simplement. Donc, on a besoin de ce travail-là parce qu'il faut faire fonctionner le flux de la meilleure manière possible. Il y a évidemment une nécessité de confort d'écoute pour nos auditeurs. On travaille sur cette notion-là de confort d'écoute depuis le début. Donc, on a effectivement un flux qui est de bonne qualité. Et on compte sur notre diffuseur qui est là aussi aujourd'hui pour avoir une diffusion, mais on en est sûr, de qualité sur les ondes clermontoises avec TDF. Confort de travail aussi, c'est important pour nous. C'est à Christophe, peut-être, ou Teddy, ou peut-être même les autres, vous pouvez en dire un mot, mais on fait très attention. On est dans des locaux qui sont agréables, lumineux, spacieux et beaux. On a aussi du matériel qui est de qualité professionnelle parce qu'on a des ambitions éditoriales, on a des ambitions d'insertion et il faut évidemment que tout le reste suive derrière. Donc on travaille vraiment avec du matos pro et on peut remercier Francis qui s'occupe de ça quotidiennement. C'est notre chef technique, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être un mot de vos projets pro, Teddy et Christophe, puisqu'on vous a entendu. Teddy, Moi je vais commencer une formation le 22 janvier de gestionnaire de paye à Atalia Conseil, c'est pas loin de la Part-Dieu. Donc à peine la radio commençait, Teddy part déjà. Et ça c'est gênant pour nous en termes d'équipe. Mais voilà, c'est super de voir. Donc Teddy restera aussi au sein de l'équipe en tant que salarié, puisque Pôle emploi ne prend pas forcément tout en charge. Et là, donc évidemment, l'idée c'est d'avoir aussi ce confort-là, de pouvoir se former tout en étant salarié. L'idée, voilà, c'est d'être gestionnaire de paye qui correspond à un parcours que tu avais déjà. Et c'est un peu plus du coup que ton parcours de base. Oui, j'avais un bac pro comptabilité, mais ensuite j'ai pas trouvé dans ce domaine-là. Et je m'étais orienté sur le métier d'agent magasinier. Et donc du coup, je me suis réorienté à nouveau. Et ça reprend une partie du diplôme que j'ai passé en bac pro comptable. Christophe ? Alors Christophe, il va être sur l'antenne, on va l'entendre aussi. Oui, donc moi, mon projet professionnel, c'était vendeur conseil en produits culturels. Alors contrairement à Teddy, moi, je ne l'ai pas resserré, mon projet conseil, je l'ai plutôt élargi dans tout ce qui est domaine culturel. Parce que j'ai justement pu réaliser notamment un stage qui m'a permis de poser les limites en fait, que je voulais avoir. Donc ça a au moins permis ça. Et sur l'antenne ? Et effectivement, sur l'antenne, je serai donc de 9h à midi pour accompagner en fait les auditeurs avec entre les morceaux qu'on va diffuser et également les rediffusions, que ce soit de Vert Express ou de l'agenda culturel. Donc 9h midi, Christophe Rossignol sur le chantier. Jingle. On peut peut-être continuer sur la grille très rapidement. L'après-midi, ça sera un peu plus calme. On aura quand même à midi la diffusion de Terrain Social avec Hugues Chevalin, on va en dire un mot. On a aussi la diffusion, on vous donnera la grille évidemment, hein, à l'issue de cette conférence de presse, vous recevrez les documents complémentaires qui vont vous permettre de tout savoir sans avoir besoin de tout noter frénétiquement. Du biscuit, donc on aura cette diffusion-là le mercredi aussi à la mi-journée, l'émission donc, qui est spécialement consacrée à l'éducation aux médias, qui est présentée notamment par Martin Pierre et par Rémi Montaillet. C'est une émission qu'on avait montée grâce au financement du ministère de la Culture l'an dernier, donc qui a déjà été diffusée en podcast, mais qui est encore largement valable par sa qualité et par les actualités qu'elle couvre. Donc, même si certains numéros, hein, Martin, je parle sous ton contrôle, mais certains numéros seront peut-être, notamment le tout premier qu'on avait fait sur la crise, le premier confinement, on va pas les rediffuser parce qu'eux, ils sont un peu cramés au niveau actu, mais le reste sera bien là. L'après-midi, ça sera de la musique, un flux musical donc très bien travaillé par Teddy, Christophe et puis Laurent Thorne, notre programmateur. 17h-19h, peut-être tu peux en dire aussi deux mots, Charlotte. Est-ce qu'on peut faire Terrain Social dans l'heure? On peut faire Terrain Social. Puisque c'est à midi, du coup... Oui, mais c'est aussi rediffusé à 17h30. Ah oui, donc 17h30 et à midi et demi, Hugues. Donc, bonjour. Voilà, j'animerai l'émission Terrain Social. Alors j'aimerais, en préambule, parler un petit mot sur l'insertion. Quand on a connu l'ornière, c'est une formule, quand on a connu l'ornière, il est difficile de traverser la rue. Je tiens quand même à le signaler. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire grâce au chantier de Longue Chanteuse. Donc ça, c'était un préambule. Maintenant, évidemment, la question sociale est une question essentielle. Notre pays est agité par suffisamment de crises depuis quelques années que se poser ces questions, interroger ces phénomènes est essentiel. Et en plus, essentiel dans une radio comme celle-ci. Donc, on a des invités sur des sujets très différents qui vont de la question des anti-vax en passant par, dans un prochain épisode, sur la question des violences faites aux enfants pendant le confinement, mais aussi le travail, les violences faites aux femmes, le féminisme, dans un contexte auquel on ne pense pas toujours. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller sur ce terrain-là, d'avoir le bon interlocuteur et surtout lui laisser la parole. Parce que aujourd'hui, quand on écoute la radio ou qu'on est dans les médias, généralement, les questions ont plus d'importance que les réponses et ça n'est pas ce que nous souhaitions faire. Voilà. Donc, nous avons déjà un petit catalogue et nous allons, évidemment, avec bonheur, le diffuser. Voilà. Donc, Hugues sera tous les autour de midi sur le chantier et en rediffusion à 17h30. Et ensuite, ça sera Vent Violent, une émission que j'animerai tous les jours avec un invité ou une invitée. Vent Violent, c'est une émission qui a vocation à poser pas mal de questions sociétales, des questions sur le genre, des questions sur la place des femmes, des questions, d'ailleurs je suis la seule femme à l'animation pour le moment, c'est des vraies questions aussi qu'on se pose et parfois des difficultés qu'on rencontre, même si on arrive à avoir la parité au sein du chantier. C'est toutes ces questions-là, c'est par exemple, il y a un nouveau label, un label qui est antiraciste et féministe qui vient de se créer à Rennes, et donc la semaine prochaine vous allez pouvoir écouter et rencontrer ce label Black Elite Record. Voilà, donc c'est à la fois beaucoup de musique très engagée et qui va dire des choses avec des voix féminines. Aussi un parti pris qui est des morceaux qu'on aime bien aussi, on ne va pas essayer de mettre du sens partout tout le temps, ça ne va pas être possible sinon, et des invités qui ont des choses à dire, ils ont toujours des choses à dire, et moi j'orienterai un petit peu pour que on soit, en tout cas j'orienterai mes invités, je donnerai la parole à des gens qui n'ont pas trop ou qui vivent des situations compliquées et souvent des femmes ou des gens qui se posent aussi beaucoup ces questions de genre et de la place dans la société. Ce qui est intéressant de comprendre aussi dans notre fonctionnement, c'est que chacun peut travailler au service des émissions des uns ou des autres. Et par exemple, un invité dans l'émission Terrain Social peut être reçu, ou en tout cas, l'interview peut être préparée et faite par quelqu'un d'autre de l'équipe. Et ensuite, on travaille vraiment ensemble. C'est pareil pour Vent Violent ou pour La Matinale. Enfin, vraiment, toutes les cases qu'on a ouvertes sur cette grille seront accessibles à chacun d'entre nous. L'idée, c'est vraiment de travailler dans une synergie totale et de faire aucune distinction entre les journalistes de cette rédaction du chantier en fonction de leur position, salarié en insertion, permanent ou quoi. Il n'y a pas de distinction comme ça qui se fait chaque jour dans notre petite conférence de rédaction. Oui, j'aimerais dire qu'il y a une véritable mise en commun à la fois des moyens mais aussi des réflexions. Donc ça permet un travail de la transversalité très importante et ce qui est effectivement très agréable parce que ça permet d'aller sur tous les champs, ne rien s'interdire, même si parfois on peut pas comprendre la question qui est traitée, mais c'est aussi l'occasion de la comprendre et de mieux la cerner. Un mot pour finir sur la grille. On aura la chance d'accueillir sur cette antenne l'émission nouvelle de Christophe Crenel, qui est un très grand habitué des ondes. Il a travaillé à Radio France pendant longtemps, il avait travaillé sur d'autres antennes, il avait aussi fait beaucoup de télévision il y a quelques années. Christophe Crenel, c'est un amoureux de la musique qui touche à tout et qui va nous proposer en exclusivité tous les vendredis à 20h une émission qui va s'appeler Magic Bolide. On est très très fiers de le recevoir aussi, Christophe, parce qu'il va nous amener vraiment son point de vue musical et tous les résultats de ses recherches sur le monde de la musique. Donc le vendredi de 20h à 21h, il y aura cette émission Magic Bolide, dont le premier numéro sera réalisé en direct ici, vendredi donc, on ouvre l'antenne à 19h, et à 20h, il y aura donc le premier numéro en direct de Magic Bolide. Ça, vraiment, c'est pour nous quelque chose de très important, parce que ça signe aussi, vous l'avez, je pense, déjà compris, mais cette volonté de mélanger les publics, de mélanger les différentes sources de nos salariés finalement et des gens qui travaillent avec nous. Ça, c'est extrêmement important. C'est important sur notre antenne et c'est important aussi dans notre façon de fonctionner. Et donc, quand il y a des discussions entre Laurent Thor, notre programmateur, et Christophe Crenel, en passant par nos salariés ici sur le terrain à Clermont, c'est des choses qui sont toujours très très fructueuses et qui sont toujours très très intéressantes. Parce que tout le monde s'enrichit de ça. Moi, c'est mon cas. Hein, quand on a monté cette association avec Charlotte, c'était aussi cette idée d'avoir une façon de se décentrer par rapport à des préoccupations qui sont normales, hein, qui sont celles d'un journaliste qui travaille dans son flow, qui travaille dans son quotidien. Je pense que c'est une chance de pouvoir, à un moment donné, travailler dans un autre cadre et travailler dans un autre environnement comme celui qu'on est en train de proposer. Voilà pour la grille. Évidemment, pareil, hein, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Moi, j'aimerais bien qu'on continue à entendre un peu nos différents présents ici. Talat, il est en train de se cacher derrière moi, mais ça ne va pas durer très longtemps. Talat, tiens, redécale-toi un petit peu vers là, puis tu vas nous expliquer un peu quel est ton projet professionnel et puis même plus largement ce que tu fais ici. D'abord, j'avais du mal à identifier mon projet professionnel à cause de plusieurs raisons. La langue, par exemple, la culture est différente, complètement différente. Et donc, le chantier m'a donné le temps pour bien réfléchir à mon projet professionnel. Et selon les conseils que j'avais au chantier, j'ai commencé à chercher à faire des stages d'insertion avec mon accompagnateur Thomas. Et donc, parce que c'était peut-être la meilleure solution pour découvrir le travail aux les différentes opportunités et après choisir la meilleure. Et j'ai réussi à la fois de trouver un stage grâce à mon coordinateur dans un cabinet d'experts comptables. C'était bien passé. Donc, comme j'ai déjà étudié la comptabilité en Syrie et mon diplôme est reconnu en France comme bac plus 3, donc je trouve que ça c'est la bonne piste pour moi pour continuer à réaliser mon projet professionnel. Tu as cherché un peu au début à peut-être sortir de la comptabilité. C'est intéressant parce que la comptabilité, effectivement, il y a des diplômes en Syrie qui sont compatibles, mais c'est pas la même façon de le faire. Non, toujours il y a des différences à cause de les règles, les lois et aussi la langue, surtout la langue, les logiciels utilisés en France. Et le fait que j'ai quitté l'université en 2010, on est 2020 aujourd'hui, et je n'ai pas bien pratiqué la comptabilité après finir mes études. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi de décider de continuer dans le domaine de la comptabilité. Donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres domaines, comme l'électricité, par exemple, comme aussi le chauffagiste, par exemple. Parce que j'ai pensé qu'elles seront plus faciles et plus rapides pour moi, mais à la fin, quand j'ai fait le stage et j'ai trouvé aussi, à l'aide de mon copain tour, le bon centre de formation qui franchement m'ont proposé tout ce qui est important et pour continuer mon projet professionnel dans le domaine de la comptabilité. Donc, à la fin, j'ai décidé de garder la comptabilité. En fait, on voit qu'il faut du temps. L'insertion, ça se fait avec le temps. Ouais, c'est ça. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ça, c'est prendre le temps pour réfléchir. Et heureusement, en travaillant, je travaille dans le chantier, je ne perds pas le temps. Je travaille et je réfléchis en même temps à mon projet professionnel, grâce aussi à, je ne dis pas juste mon accompagnateur, non, toute l'équipe bien éduquée, qui donne toujours les bons conseils. Surtout à personne qui vient d'autres, d'une culture complètement différente. Et par exemple, parfois stressé, parfois. Les personnes qui ont à peu hors, à distance de la pression, et elles sont capables de bien réfléchir comme la personne sous le stress. Donc franchement, le chantier m'aide beaucoup à m'orienter vers le bon chemin, pour mon projet professionnel. Merci Dalat. Le temps est effectivement un ingrédient important, et puis si en travaillant et en ressentant son projet pro, on peut faire un peu de radio, c'est parfait. Dalat fera des agendas culturels, enfin on sera aussi avec Dalat sur l'antenne à partir de vendredi. Darcia pourrait aussi dire un mot. Merci Hugues pour le micro. Vous avez vu, on essaye de ne pas se passer le micro les uns avec les autres. Bonjour Darcia. Bonjour à tous, bonjour. Je suis Darcia, je suis arrivée à Londres Porteuse au mois de juillet. Donc moi j'ai toujours fait la restauration. Suite au confinement, tout a été fermé. Donc je me suis retrouvée ici. Et je suis contente d'ailleurs d'être ici parce que avant c'était dur, mais aujourd'hui je vois que ça m'aide à m'ouvrir déjà, à déjà vous parler comme ça. C'est déjà arrivé pas, j'étais vraiment timide. Et ben, je le suis déjà, mais ça m'aide à aller de l'avant et pour mon métier, déjà pour la restauration, pour les recherches de boulot. Et puis là, depuis que je suis arrivée, je commence à faire des interviews, je rencontre des gens, je discute un peu. Et là, je vois que la radio, c'est un bon métier, mais ça permet aussi d'aller de l'avant, et de rencontrer des gens, de voir encore du monde. C'est comme dans la restauration, on voit du monde, mais c'est difficile d'aller vers les gens. Mais là, j'espère qu'avec ce que je vais faire, ça me permettra d'aller plus de l'avant et de rechercher encore et de participer. Voilà. Et là, je suis mon projet pro aussi, c'est toujours la restauration, mais là, je passe mon permis, comme on a parlé, j'avais eu mon code, et là, je passe mon permis, peut-être ce mois-ci, j'attends les dates. Et, et voilà, ils m'ont financé le permis, je suis contente, et puis ça me permettra d'aller dans la restauration, parce que c'est loin les endroits. Et je cherche la collectivité parce que normal, je peux pas, les heures sont un peu. Donc ça me permettra d'aller un peu dans d'autres villes et puis dans les endroits, dans les petites villes. Donc voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Merci, elle est tellement timide qu'elle sera sur les affiches, elle sera sur les murs de Clermont pendant tout le mois de janvier. On va avoir une grande campagne d'affichage qu'on lance à partir de lundi. Et donc avec Christophe, Teddy et Pascal. Elle va se retrouver, tu vas te retrouver donc sur tous les murs de la ville et de la métropole. Merci beaucoup, Darcia. Merci. Valérie, un mot aussi avec deux micros pour Valérie, c'est la star. Bonjour, je suis arrivée le 2 octobre 2019 au chantier. Au départ, j'avais un projet professionnel en secrétariat. Donc actuellement, je suis en train de peaufiner mon projet et je vais changer de projet. Ce serait plus dans l'emploi solidaire, car j'étais en arrêt de maladie. Donc pendant mon arrêt de maladie, j'ai fait du bénévolat. Et puis j'aime bien être en contact avec les personnes et pouvoir les aider, donc j'aimerais faire un projet professionnel et pour cela j'irai au Mazouvert où je pourrai pendant plusieurs jours voir les métiers de l'emploi solidaire. Là, l'exemple aussi de ce que dit Valérie, c'est que pendant quelques mois on a vécu une année 2020 difficile tous ensemble, on a essayé de la vivre tous ensemble à distance, on a fait des cafés chantiers, on a essayé de se voir autrement. Quand on ne pouvait pas se voir. Et Valérie, si tu peux parler un peu de ton expérience, a travaillé pour une banque alimentaire, s'est engagée bénévolement aussi et souhaite du coup réorienter ses aspirations et son projet pro autour de tout ce qui est solidaire. Donc en fait, pour nous, c'est très important de prendre ce temps-là, de réfléchir aux meilleures solutions. Et puis de se dire qu'en fait, voilà, ce qu'on fait, finalement, tout ça a du sens. Merci beaucoup, Valérie. On peut dire juste deux mots des partenaires peut-être du chantier d'insertion. Charlotte, c'est important pour la mécanique. Avant ça, j'aimerais juste vous présenter aussi Tiffaine Crézé, qui rejoint l'équipe de Langue Porteuse en ce mois de janvier en tant que permanente. Et on en est très heureux, très content comme journaliste. Voilà, c'est ça. Je vais participer à l'antenne en réalisant des interviews, pour la matinale, et aussi mener des ateliers d'éducation média dans différents établissements du Puy-de-Dôme et aux alentours. Voilà. Merci beaucoup. Et ça participera aussi de l'encadrement du travail, donc de l'atelier chantier d'insertion. Sur les partenaires, Charlotte, avant peut-être qu'on passe à la séance des questions, si vous en avez. Je précise qu'on pourra les entendre, hein, les questions qui arriveraient de notre visio. Et puis pour celles et ceux qui êtes là, vous pouvez aussi évidemment lever la main et prendre la parole pour poser des questions. Merci. Au niveau des partenaires du chantier d'insertion, c'est assez classique comme fonctionnement. On a évidemment la directe qui nous donne l'agrément pour pouvoir accueillir des salariés en insertion. Donc la directe qui permet ça, qui valide les choses. On a le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui cofinance le chantier d'insertion. On a Pôle emploi qui nous aide sur l'accompagnement et aussi sur le recrutement, même si les choses changent puisqu'il y a la réforme de l'IAE qui intervient et l'insertion est en plein chamboulement. Donc on espère que Pôle emploi pourra rester toujours aussi actif et accompagnant dans son investissement. Et puis on a la Fondation Caritas qui cofinance le chantier d'insertion. Un grand merci, c'était une bonne nouvelle de fin d'année pour une année très difficile, voilà, qui finance via du mécénat ce chantier. L'idée du chantier d'insertion, c'est vraiment d'agréger des partenaires qui défendent les mêmes choses que nous et qui permettent de nous faire travailler, qui permettent aussi qu'on crée du son voilà, pour leurs actions. Il y a tout ce volet-là. Donc c'est des partenaires qui sont à nos côtés, certains depuis 2017, et d'autres qui peuvent effectivement venir prochainement ou qui sont là depuis plus récemment. C'est un gros travail que l'on fait. On se rend, nous, de plus en plus compte, surtout dans ce contexte de la crise. C'est-à-dire que quand on a fait récemment le dernier recrutement, on a vu le nombre de personnes qui ont postulé sur le chantier d'insertion, sur notre chantier, qui est de plus en plus fort, avec des exclusions qui sont de plus... Voilà, autant on est sur de la précarité, mais on va aller dans de l'ultra-précarité, et les 900 000 chômeurs en plus qui vont arriver à Pôle emploi, certains seront très exclus parce que la société fait qu'on n'est pas préparé à tout ça. Donc, dans ce contexte, on a aussi cette envie et cette envie de développer et d'imaginer le principe de l'insertion comme pouvant être bénéfique au niveau national. C'est-à-dire que nous, il y a évidemment cette radio qui pourrait être un appui pour d'autres projets autour de radio inclusive, autour de projets d'inclusion, qu'on pourrait accompagner par ailleurs et qu'on pourrait co-porter, voire porter. Tout ça est à imaginer, même s'il y a des grandes pistes et des grandes lignes qui sont en train, et des liens qui sont en train de se tisser. Vous avez un agrément pour combien de salariés ? L'agrément, c'est en ETP, 6,84. Ok. Notez bien. Je disais tout à l'heure qu'on est tous amoureux de la radio, en tout cas de ce côté-là de la salle. Mais on voit que la radio peut être aussi une solution à la crise. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On savait que la radio avait plein de vertus à travers ses pratiques, à travers ses savoir-faire. On se rend compte qu'effectivement, avec ce projet-là ou avec ce type de projet-là, on a aussi la possibilité, avec la radio, d'être une réponse à la crise. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Le président du CSA, Roch-Olivier Mestre, était venu nous voir il y a quelques temps. C'était juste après l'attribution de la fréquence. On a un processus administratif qui est un peu long, hein, c'est normal. Quand le CSA attribue une fréquence, ensuite il se passe des mois et des mois avant de pouvoir exploiter cette fréquence. Et là, on était dans cet intervalle-là. Et quelques semaines après l'attribution, donc, le président du CSA, qui est quand même un personnage important de la République, est venu dans nos locaux. C'était nos anciens locaux, boulevard Pelletier-Blatin à l'époque à Clermont. Il nous avait dit qu'en tant qu'ancien membre de la Cour des comptes, il était, et qu'en tant qu'actuel président du CSA, il était particulièrement touché par notre projet parce que, effectivement, il croit beaucoup aux médias radio, mais il sait aussi, par son expérience à la Cour des comptes, que l'insertion, ça fonctionne. La Cour des comptes avait rendu un rapport quelques mois auparavant sur l'insertion par l'activité économique, qui expliquait que quand l'État investit des sommes importantes hein, sur l'insertion, en fait, c'était pour du positif pour l'emploi, mais c'était aussi pour les comptes publics quelque chose qui était sain et vertueux. Donc là, on est vraiment au cœur du problème. On voit qu'effectivement, la situation sociale ne va pas s'arranger. On a eu encore des nouvelles dans la région qui nous ont touchés ce matin avec l'actualité de cette annonce depuis le siège social d'une grande entreprise à Clermont. Voilà, la situation ne va pas s'arranger. On peut être modestement une partie de la réponse avec ce projet de chantier. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter les uns les autres, sinon on peut lancer la série des questions-réponses. Vous levez la main ici. J'ai l'impression qu'on a un peu froid. Je ne sais pas, Dominique, si on a un problème de chauffage. C'est bon ? Non, non. Je voyais. Vous voyez, gros l'hôtel, mais non, ça. Non, c'est bon. Non, super. Vous pouvez aussi intervenir à distance, soit par le chat, soit si vous activez votre micro, en vous signalant peut-être un tout petit peu avant, on pourra vous faire intervenir, on pourra vous entendre ici à Clermont-Ferrand. Donc n'hésitez pas. Vous aurez combien d'heures de programme par semaine ? Alors, combien d'heures de programme par semaine ? Je ne sais pas comment. Ouais, ou par jour. Par jour. Alors, ça sera une diffusion 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on a effectivement la possibilité d'exploiter cette fréquence 24 heures sur 24. Et nos programmes donc, débuteront à 7 heures le matin et iront jusqu'à 21 heures le vendredi avec Christophe Crenel et son émission. Le week-end, pour l'instant, on n'aura pas de programme spécifique. On aura du flux musical, mais on considère le flux musical comme étant véritablement quelque chose d'important, puisque comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, on travaille les émergences musicales avec notre programmateur et on travaille aussi la défense des artistes locaux. Ça, on l'a pas dit, mais ça nous paraît tellement évident qu'on a oublié de le dire. Mais évidemment, on a ici là, clairement une grande tradition rock, folk, dont tout le monde se souvient, c'est une tradition qui n'est pas du tout éteinte, et on va, évidemment ça dépasse les frontières ces styles-là, hein, mais on va aussi défendre les artistes locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. L'antenne sera partagée entre des journalistes professionnels comme vous, des salariés et puis des permanents. Comment vous vous positionnez sur la qualité ? Je sais que c'est assez important pour l'auditeur. Et justement, comment vous arrivez à l'avertir ou à lui expliquer qu'il y a un peu tous ces profils dans l'antenne et qu'il faut aussi lui être indulgent parfois parce que ça fait partie du processus d'apprentissage et d'éducation et d'insertion aussi. Alors c'est une très bonne question. Je vais la relayer parce que je suis pas sûr qu'on nous entende. On entend le fond de la salle dans la visio. La question qui est posée donc par Martin Pierre, c'est la question de savoir sur la qualité des programmes. Est-ce qu'on a envisagé d'expliquer à nos auditeurs, de faire finalement une pédagogie auprès de nos auditeurs sur le fait qu'on travaille avec des salariés donc qui sont journalistes professionnels et des salariés en insertion, hein, c'est ça. En fait, on ne va pas le faire. Notre idée, c'est de dire que le chantier, c'est une radio associative, généraliste, inclusive, donc, effectivement, mais sur l'antenne, en fait, ça ne s'entendra pas. On va essayer de faire en sorte de faire la meilleure antenne possible, et c'est une vraie question qu'on s'est posée, hein, dès le début de la définition du projet. On veut faire la meilleure antenne possible, c'est pour ça qu'on s'est doté d'équipements techniques de pointe, c'est pour ça qu'on travaille depuis 2 ans de manière acharnée sur la construction de ces programmes. Et notre idée, c'est que quand les auditeurs écoutent Vert Express ou Terrain Social ou les agendas culturels ou le 9-12 de Christophe, ils ne se posent pas la question de savoir mais qui sont ces gens qui me parlent, en fait. Non, l'idée, ce sera d'être au meilleur du meilleur. Après, on sait tous qu'on a beau vouloir être au meilleur du meilleur, parfois, ça vaut ce que ça vaut, selon l'expression consacrée, mais nous, on espère que ça vaudra beaucoup. Le chantier sera une radio associative généraliste pour ses auditeurs. Ce qui n'empêche pas que, effectivement, quand on a besoin d'expliquer qui on est, évidemment qu'on le revendique. Mais on ne le revendiquera pas sur l'antenne. C'est un parti pris. Autre question. Et oui, et juste, est-ce que ça veut dire que vous êtes là toute la journée, tout le temps, ou en fait vous venez, vous repartez, vous avez d'autres activités ? Parce que ça fait des grandes amplitudes horaires de coordination. Comment vous allez, enfin comment ça fonctionne ? Comment donc on fonctionne sur la journée avec les amplitudes horaires que vous avez ? Oui, et savoir une fois que la chronique est terminée, par exemple, est-ce qu'il y a vous faites autre chose ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, évidemment, il y a un cadre légal. Quand on est dans le chantier d'insertion, on fait 26 heures. ces 26 heures peuvent être réparties de manière en fonction de l'activité. Évidemment, il peut y avoir des dépassements, etc. Puis il y a des jours de récupération, ça, rien que de très normal. Ce qui est plus intéressant, c'est le rythme de ce chantier par rapport à la radio. C'est-à-dire qu'on va commencer le matin à 8h45 avec une conférence de rédaction. Voilà, c'est l'ouverture de la journée se fait avec la conférence de rédaction. Donc c'est le moment de réunion, on se voit tous, on se partage le travail, où les idées fusent, etc. Et on va commencer à lancer l'activité tout au cours de la journée. Dans n'importe quel travail, je crois, pour en avoir fait d'autres avant celui-ci, quand on a lancé quelque chose, on en suit les conséquences, éventuellement un peu au-delà de l'heure légale. Mais c'est normal quand on aime faire ce qu'on aime, ce qu'on fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et après, techniquement, on a un système qui nous permet d'enregistrer évidemment un certain nombre de programmes qui sont diffusés par la suite. La matinale, par exemple, ne sera peut-être pas tout le temps en direct. Mais je dis ça sans vouloir dévoiler de grands secrets. On a la possibilité, évidemment, d'avoir des enregistrements qui sont ensuite diffusés, sur l'antenne. On a bien répondu. Oui, oui. Ouais. Je crois qu'on a une question à distance. Alors, présentez-vous peut-être pour qu'on sache. Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas la possibilité de me mettre en visio. Je suis Anne Noël-Bouin, donc je suis référente en termes d'éducation aux métiers et à l'information au sein du ministère de la Culture et donc son service déconcentré la traque au verbe oral. Donc déjà, je vous remercie pour cette présentation et j'ai vraiment été séduite et particulièrement intéressée par ce chantier d'insertion, puisque vous savez que pour le ministère de la Culture, l'éducation aux médias et à l'information est une priorité. Et notamment, on essaye de développer effectivement les radios de proximité qui permettent l'inclusion effectivement sociale, notamment dans les quartiers, puisqu'il y a une participation, on demande à ce que dans ces radios, la ligne éditoriale soit co-construite avec les habitants du territoire et qu'ils puissent participer donc, activement à l'animation de la radio. Et là, je m'aperçois que cet outil-là, non seulement permet à tout un chacun de remplir son rôle de citoyen et s'émanciper, je vais dire, mais ce rôle d'inclusion et d'insertion professionnelle, et je crois quelque chose qui mérite d'être connu et d'être développé, et sur lequel il faut particulièrement mettre l'accent. Ça, c'était la première des choses. Après, j'avais une question, mais une question technique. C'est au niveau de la fréquence, quelle est la portée? Est-ce que vous allez bien au-delà de Clermont-Ferrand ou pas? Et deuxième question, finalement, et qui rejoint la première, concerne les podcasts, que vous avez élaborés au niveau de l'éducation aux médias et l'information, avez-vous pu repérer quels étaient vos auditeurs? Voilà, et j'en termine là. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci. Je vais prendre les questions à l'envers, c'est peut-être plus simple pour moi. Au niveau du biscuit, effectivement, on a des auditeurs très différents. On a des auditeurs qui sont des profs doc, qui sont un peu nos piliers dans l'éducation aux médias, les professeurs documentalistes qui vivent aussi une situation un peu compliquée que le ministère de l'éducation, mais ça n'a rien à voir avec mes propos. Donc pour du biscuit, ça peut être un appui pour des profs doc qui sont venus vers nous ensuite pour avoir plus d'informations par rapport à certains outils développés sur l'éducation aux médias. On a aussi pas mal d'ados, d'adolescents, et puis des gens qui, c'est là où se pose du coup la question de l'éducation aux médias, d'un public adulte qui se retrouve un petit peu désemparé face à l'information, face à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand on se dit « j'ai trouvé ça sur Internet, oui, mais quelle est la source et comment... » et qui me parle en fait ?» Et est-ce que c'est quelqu'un, une personne avec un point de vue, ou est-ce que c'est un journaliste, un média, un groupe de presse? Donc c'est toutes ces questions-là. Au niveau de la diffusion du 98FM, ça sera, alors je ne suis pas la technicienne du groupe, mais sur l'agglomération, sur Clermont-Ferrand Métropole, on sera un peu bloqué par, évidemment, la chaîne des Puits les Montagnes, on passera un pas par-dessus, et on sera un peu au-delà de cette métropole, mais pas beaucoup plus. Cependant... Mais le chantier Point Radio, voilà, fera en sorte de passer par-delà les volcans, et on pourra nous entendre partout, effectivement, bien sûr. D'ailleurs, on a aussi répondu à l'appel à fréquence en radio numérique, DAB+, et on a eu la réponse il y a 3-4 mois, et on aura cette fréquence-là en radio numérique qui va nous permettre d'aller bien au-delà de la zone qu'on aura sur 98FM, donc là c'est un peu technique, mais on couvrira une zone beaucoup plus large qui sera vraiment quasiment tout le Puy-de-Dôme. Voilà. Et j'en profite pour saluer M. Chadaigne du CTA qui est aussi avec nous et qui s'occupe donc, qui est l'antenne déconcentrée du CSA ici à Clermont-Ferrand. Je crois qu'il y avait une autre question, une première question, mais je ne suis pas sûre, est-ce qu'on l'a oublié ? C'était plutôt une remarque, mais d'accord. Peut-être, hein, Madame Boin, si vous avez... C'était plutôt une remarque, et en fait, c'était plutôt pour signifier que j'étais plus que satisfaite finalement d'apprendre que l'éducation aux médias et l'information pouvaient remplir d'autres enjeux et que cette information-là, je devais m'en emparer pour élargir peut-être le travail aujourd'hui qu'on fait en termes d'éducation aux médias et l'information. Voilà, c'était simplement. Merci beaucoup. Merci. Il est clair que pour nous, le chantier, c'est aussi une action d'éducation aux médias. Hein. C'est de l'insertion, mais effectivement, dans sa globalité, c'est de l'éducation aux médias. Quand je parlais tout à l'heure du décentrement nécessaire parfois pour les journalistes, on est exactement dans ce cadre-là, avec le fonctionnement du chantier tel qu'il est pensé et tel qu'il est maintenant en route vers les ondes. N'hésitez pas à poser aussi des questions à l'ensemble des salariés, si vous avez envie. Oui, j'avais une autre question, c'est, j'ai compris que vous aviez des partenaires, sinon comment vous financez pour faire vivre la radio concrètement, d'un point de vue technique ? C'est une très très bonne question, on s'est beaucoup posé la question en 2020. Mais merci, comment on se finance donc, Charlotte ? Alors là, c'est un peu plus mon domaine, du coup. On a été très très très très fragilisé par cette année. Comme on devient une radio associative, on aura la possibilité de faire appel au fonds de soutien à l'expression radiophonique l'année prochaine, qui est un fonds du ministère qui permet aux radios associatives locales d'être financées pour leur mission d'intérêt local. Ensuite, l'association a différentes activités qui permettent en fait de tenir bon aussi, par exemple, face à cette crise-là. On a un institut de formation qui s'appelle l'IOP, l'Institut de formation de l'onde porteuse, où on forme des journalistes partout en France. On a un programme de formation, ça peut être sur la création de podcasts, sur l'animation d'ateliers d'éducation aux médias, ou d'expression radiophonique, on peut avoir plein de choses. Et la formation, depuis 2015, c'est vraiment un champ qu'on investit. On est aussi reconnu Calliope depuis un mois et demi, donc ça c'est une certification sur la qualité de nos formations, qui nous permet de passer cette réforme aussi de la formation, qui chaque année on a des réformes sur réformes, maintenant c'est l'IAE, donc chaque année a sa réforme. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est un équilibre à trouver entre toutes nos activités. Donc on peut répondre à des appels à projets, par exemple pour les ateliers en détention. Quand on fait des ateliers en détention, c'est grâce au financement de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et aussi grâce au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et au SPIP ou à la PJJ. Voilà, donc ça fonctionne par projet. On n'a pas de subvention de fonctionnement, on n'a jamais fonctionné comme ça. On a fonctionné souvent en faisant des partenariats, des prestations sonores, en allant sur les plateaux radio, en travaillant sur différents programmes, en allant dans les quartiers faire avec des compagnies de théâtre du lien via la radio, comme avec les Gaîté Rouge Théâtre, avec plein d'autres partenaires. Donc voilà, donc c'est le fruit de 5 ans de construction comme ça. On essaie aussi d'être le plus raisonnable possible, notamment dans ces situations-là. Et on a eu la chance chaque année d'avoir des fondations qui nous ont suivis aussi et qui nous ont permis de financer une partie du matériel qu'on peut avoir aujourd'hui. Même s'il en faut plus. On peut lancer un appel hein, à des partenaires éventuels. Parce que c'est vrai que c'est quand même l'année a été très très difficile. Et c'est quand même toujours un combat. Après, on sait pourquoi on le mène. Hein, et on a envie de le mener et on ne se plaint pas. Mais si on a la possibilité de lancer un appel comme ça à des partenaires ou à des fondations qui pourraient nous soutenir, on en serait tout à fait ravis. Sur le financement, on peut dire aussi sur les prestations, on fait beaucoup quand même. On a travaillé cette année, notamment aussi avec la ville de Clermont ou avec la métropole de Clermont qui nous ont commandé par exemple des séries de sujets, alors qui ne sont pas forcément diffusés ensuite sur l'antenne, hein, parce que ça fait partie finalement d'une autre activité de l'association. Mais ça permet de nous financer, hein, pour continuer à répondre à votre question. On a travaillé notamment sur une série de reportages sur des entreprises, notamment inclusives. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est Tiffany qui s'en est occupée. Ça nous a permis aussi voilà, d'apporter un peu de fluidité dans notre comptabilité qui en avait bien besoin vraiment à l'automne. Là, on s'est demandé si on serait là pour le lancement de la radio. Hein. À un moment donné, ça a été quand même très, très, très compliqué. Même si on a tout fait pour être là. Et puis, on travaille aussi notamment avec la candidature de Clermont comme capitale européenne de la culture en 2028. Ça fait partie de nos sources de financement aussi. Ce n'est pas de la subvention, comme disait Charlotte, on n'a pas de subvention de fonctionnement. On sait à quel point c'est fragile et puis ce n'est pas forcément l'idée d'en demander. Mais on travaille sur des projets et c'est comme ça qu'on peut compléter nos financements. Est-ce qu'on a des questions à distance? N'hésitez pas. Comme je vous le disais, on aura le dossier de presse à vous envoyer dans la foulée par Lucas, avec les affiches de cette campagne d'affichage, avec le matériel promo et puis la grille. Peut-être juste un petit mot sur les affiches que vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux. L'idée de ces affiches-là, c'était de faire un peu... un pied de nez ou avoir cette envie de mettre en avant des gens entre guillemets inconnus en se disant bah, nous on n'est pas connus et on est en train de monter une radio et bah, on va avoir nos têtes placardées et comme des journalistes ou comme des stars et à la Andy Warhol. Du coup c'est pour ça qu'on est parti aussi sur une charte graphique un peu comme une série graphique. Ça a été fait par Amélia Carvazan du studio Pesberg, qui est notre graphiste depuis toujours, donc depuis 100 ans, donc depuis 5 ans, et qui travaille entre Rome et Paris pour nous et qui arrive toujours voilà, à mettre en avant les meilleurs d'entre nous sur ses photos. Donc l'idée c'était vraiment de s'amuser avec ça et en donnant un peu d'humain et de montrer qui était derrière les programmes aussi. Sur le chantier. Et ce sont les voix nouvelles. Et c'est vrai qu'on est probablement la seule radio à lancer une campagne d'affichage, notamment avec Teddy qui sera donc sur les affiches, en sachant pertinemment que dans 3 semaines, il ne sera plus à l'antenne. Merci Teddy. Mais c'est vrai que c'est à signaler, parce que ce qui compte, c'est l'humain finalement, et ça te fera un souvenir, et puis peut-être que tu reviendras nous voir quand même après ta formation. On espère. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors pour ceux qui sont à distance, malheureusement, on n'aurait pas le bénéfice du buffet qu'on est en train de préparer. Et on le regrette pour vous. Mais merci d'avoir participé. Cela dit, c'est pas fini. Hein. Si vous avez encore des questions, j'essaie de meubler le temps peut-être que les questions émergent. En revanche, vous qui êtes ici à Clermont, ça se prépare. Oui. En fait, j'ai une question de retour dans l'histoire et de genèse. Au départ de l'onde porteuse, quel était le projet de l'onde porteuse? Alors, quel était le projet de l'onde porteuse? Comment le présent, ce projet-là, s'articule avec ce qu'étaient les objectifs initiaux de l'association? Alors, on est parti un peu d'une page blanche. On est parti aussi d'un moment festif, puisque, en fait, c'était aux 20 ans de Radio Campus Clermont. On s'est retrouvés pour parler avec Campus France, avec tous les gens avec qui on peut travailler aujourd'hui. Et on nous a demandé, en fait, moi par ailleurs, je travaillais pour une fédération de radio associative en Pays de la Loire, la FRAP, et je faisais déjà des formations professionnelles et à Nantes. Et on s'est, Benoît était évidemment à Radio France. Et l'idée, c'était de développer quelque chose autour de la radio à Clermont-Ferrand et de le faire ensemble. Après, rien n'était écrit sur l'insertion, rien n'était écrit sur l'éducation aux médias. Par contre, on avait surtout cette envie de dire que la radio, c'était possible pour tous et que nous, ça nous avait parfois et souvent personnellement aidés en surmontant certaines craintes, certaines timidités, certaines peurs et en se disant que c'était pas grave de prendre la parole et que c'était même important et ça pouvait donner plein de choses. Donc on a commencé en faisant de la formation professionnelle, donc c'est pour ça que l'Institut est bien en place maintenant, parce que ça fait 5 ans de développement assez fort. Et ensuite, moi j'ai commencé à animer très vite des ateliers en détention, chose que je n'avais pas fait par ailleurs. Mais l'idée c'était d'apprendre en faisant, et puis après de transmettre aussi à toute une équipe de gens qui sont en capacité de faire tout ça. On a un fort partenariat avec le CHU Estin à Clermont-Ferrand, on anime... alors c'est évidemment stand-by avec la crise sanitaire, mais dès qu'on peut reprendre à l'hôpital, on anime une fois par semaine, on est au CHU en service pédiatrique et oncologique pédiatrique. Voilà, donc c'est aussi un engagement de la radio, ça peut être aussi un divertissement, ça peut être aussi une forme de liberté pour tous ces publics-là. Voilà, donc le moteur c'était la radio et l'envie, et puis pas de limite, voilà, se mettre le moins de limites possible. Et clairement c'était le hasard de vos parcours. Pourquoi Clermont? Alors, on est tous les deux, Charlotte et moi, originaires de Clermont. On avait tous les deux eu des projets pro, pour le coup, qui nous avaient éloignés de Clermont, de manière tout à fait normale et naturelle. Et on en était très heureux. Mais on avait aussi été très heureux de se retrouver ce jour-là, effectivement, à l'occasion des 20 ans d'une radio, Radio Campus, que j'ai contribué à monter il y a 25 ans. Donc, pour moi, c'est un retour 25 ans en arrière. Et ça me fait assez plaisir aussi de revivre cette énergie-là de 1996. Charlotte y avait travaillé. Donc, quand on s'est retrouvés à l'occasion de cet anniversaire, effectivement, on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble, on avait les mêmes intuitions. C'était des intuitions plutôt que des idées précises. Et on était donc éloignés. Moi, j'avais passé 15 ans vraiment en dehors de Clermont, dans les différentes rédactions de Radio France. Charlotte avait aussi son parcours à Nantes. Et on a eu très envie de revenir à Clermont. Parce que c'est une ville qu'on aime et c'est une région, comment dire, c'est un environnement qui nous plaît et qui je ne sais pas trouver mes mots, mais parce qu'ils sont forts, mais c'est quelque chose qui est, voilà, on est attaché à cette région et on savait pouvoir y faire des choses qui nous intéressaient. Après, elles sont peut-être devenues intéressantes et tant mieux, mais au début, c'était aussi cette volonté de revenir dans cette région. Okay. Même si c'était que de manière alternative pour moi, puisque je continue toujours à travailler à Radio France, sauf cette année. Mm-hmm. Merci à vous. Merci. On va vraiment vous remercier d'avoir assisté à cette conférence. On est évidemment joignable à tout moment, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Lucas est à votre disposition, puis nous aussi, évidemment. N'hésitez pas. Et puis, merci à vous toutes et tous qui étiez à distance pour suivre ce moment. Un grand merci. Merci. Merci. Ah d'accord. Ouais. Ok.